Directement des studios de C'est Fou à Trois-Rivières, voici Palmarès, édition anglo. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou édition anglo pour la semaine du 17 au 23 février 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, on va écouter un top 20 des chansons anglophones les plus aimées des animateurs de C'est Fou. La semaine passée, le numéro 1, c'était Colorado avec Juliette. On va savoir si ça tient d'ici la fin de l'émission. Mais avant ça, on a quand même 5 nouvelles entrées à entendre. On va avoir tantôt une nouvelle pièce de Islands, la formation Waving Hand. Il va aussi y avoir du Yesayer et du Devil's Hot Rod. Mais on commence avec The Almost. On se rappelle de leur bon succès Hands, mais ils nous reviennent avec Monster Monster et ça commence maintenant au Palmarès C'est Fou à la Radio Campus de Trois-Rivières, le 89.1 FM. I'm gonna see my mom in jail. nouvelle entrée. Formation Yes Air et la pièce Ambling Alps est en 18e position et c'est une nouvelle entrée. D'ailleurs, Yes Air qu'on joue depuis quelques semaines déjà à Assemblage Requis, qui est du lundi au jeudi à 15h. Et je sais que Sophie Laforêt en fait jouer à son émission Chérie Mécoutu le lundi après-midi. Et dans l'émission de Simon Fidibé, On s'appelle On déjeune le matin entre 7h et 9h, ça joue beaucoup du Yes Air et c'est pour ça que ça rentre dans le palmarès, parce que les animateurs, ils aiment ça. Bon. Avant, en 19e, c'était la nouvelle entrée de Devil's Hot Rod, Mom in Jail. On a débuté le bloc avec la deuxième pièce de l'album Monster de la formation The Almost, et c'était la pièce titre, drôle de hasard. Monster, c'est son nom. Voilà pour le premier bloc de nouvelles entrées. Il nous en reste un deuxième bloc de nouvelles entrées, parce qu'il y en a 5 en tout dans le palmarès anglophone. Alors, on va entendre une pièce de Islands, nouvelle pièce d'Islands, leur deuxième de leur album Vapors. Mais avant ça, voici Waving Hand en 17e avec The Man Living on the City Landfill Site. Tout de suite, au palmarès C'est fou, édition anglo, au 89.fm. 16. Nouvelle entrée. I'm not so sure. Avec Disarming the Car Bomb, deuxième pièce de leur album Vapors. La première a quitté quand même assez récemment, je dirais. Le palmarès, c'était Vapors. On a tous aimé cette pièce-là. Avant Island, c'était Waving Hand avec The Man Living on the City Landfill Site. C'est leur album Places et c'est en 17e place. Ça vient de terminer nos nouvelles entrées sur les positions 20 à 16. Ça en fait quand même 5, c'est beaucoup. Je vous rappelle que le numéro 1 la semaine passée du côté anglo, c'était Colorado avec Juliet et leur album Record in a Bag. On va voir d'ici à tantôt si c'est encore là. Mais avant ça, on doit faire les positions 15 à 13. On va voir Make Me Young et Government Mule tantôt, mais on débute avec Glory. Voici la formation You Say Party, We Say Die. Ça descend de la 4e place au palmarès C'est Fou au 89.1 FM. Et allez voir sur assemblagerequis.com pour en savoir plus sur l'émission d'aujourd'hui et les balado-diffusions des semaines précédentes. Drugs, eat or don't, drink and sex, we are sick. 14. Au retour, restez avec nous, il y a Make Me Young, Charlotte Gainsbourg, Potter Steps et You Can't Blonde dans les Palmarès C'est Fou, édition anglo. Numéro 13. My pets could kill your pets. My shirt could kill your shirt. Look at my hair, it's better than yours. My pets could kill your pets. My shirt could kill your shirt. Look at my hair, it's better than yours. My phone can kill your phone. My MP3 player has at least 2 gigs more than yours. My car can kill your car. My MP3 player has at least 2 gigs more than 2 gigs more than yours. Une pièce qui passe très très vite, The Materialist par Make Me Young, c'est en 13e position et ça monte de 7 places, c'était une nouvelle entrée la semaine passée, avant ça on a entendu Government Mule et Broke Down Brazos qui descend de 7 places et on a débuté avec la 15e place qui descend de la 4e position, c'est Glory de You Say Party, We Say Die, ça tire à sa fin pour cette pièce-là, mais bon, comme je connais You Say Party, We Say Die personnellement, dans le sens que j'ai écouté le CD là, je pense qu'il va y avoir d'autres pièces de ça, pas mal sûr. Alors, le prochain bloc, il va y avoir les positions 12 à 10. On va entendre You Can't Blonde et Parlor Steps tout à l'heure, un petit peu plus tard. Mais on commence avec l'entrée, en fait, une nouvelle entrée, la semaine passée, c'est pas dur à dire ça. C'est IRM, la pièce titre du nouvel album de Charlotte Gainsbourg. Ça monte de la 17e place, donc de 5 places. C'est en 12e maintenant. Hein? Retenez ça, 12e place. Voici Charlotte Gainsbourg et IRM. Tout de suite au Palmarès C'est Fou édition anglo. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct, en tout temps, sur Internet au www.cif.ca. Et là-dessus, il y a toutes les informations de la merveilleuse programmation de C'est Fou. Et des croissants pour l'émission, on s'appelle On déjeune. C'est beau les croissants. Ça me donne faim à chaque fois que je regarde. Too many.

Yukon Blonde avec Rather Be With You en position numéro 10 anglophone. Ça monte de 9 places. Ça a franchi la moitié du palmarès, ça, parce que c'était nouveau la semaine passée. Avant Yukon Blonde, on a entendu Parlor Steps et la pièce Sleeping City. Ça monte de 4 places. C'est sa troisième semaine. Et on a débuté avec Charlotte Gainsbourg et IRM qui montent de 5. C'est maintenant en 12e position. Et d'ailleurs, en passant, ça de même, là, je ne révélerai pas en quelle position, mais Charlotte Gainsbourg a monté pas mal du côté francophone aussi avec sa pièce Le chat du Café des artistes, une des rares artistes des palmarès qui réussit à être dans les deux côtés en même temps. C'est cœur. Dans le prochain bloc, il va y avoir Jet et Two Hours Traffic, mais on commence avec Set the Whale. Ça monte de 9 places. C'était le numéro 18 en nouvelle entrée la semaine passée. Et maintenant, c'est la numéro 9. Voici Camilo, The Magician. Tout de suite, au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. C'est la radio Campus de Trois-Rivières, voyons donc. Hey! repeat it. Are we required to repeat it? Numéro 7. Jet et She's a Genius, position numéro 7, ça descend d'une place. Avant, c'était Too Harsh Traffic et Territory qui monte de 4. Et on a débuté avec Set the Whale. Et oh, j'adore cette chanson-là, je suis pas capable de me l'enlever de la tête. Camilo the Magician, ça monte de la 18e place, c'était nouveau la semaine passée. Et c'est pour ça que c'est rendu en 9e, parce que c'est bon. Dans notre prochain bloc du palmarès anglophone, hein, en passant, je vous rappelle comme ça, pour ceux qui n'auraient pas compris le principe d'un palmarès, c'est qu'on se rend jusqu'au numéro 1, qui la semaine passée était la pièce Juliette de la formation Colorado, qu'on a eu en entrevue récemment, assez fou. Et l'entrevue est sur le cif.ca. Mais bref, avant le numéro 1, il nous reste quand même les positions 6 à 2. Hein? On va commencer par les 6 et 5. Tantôt, il va y avoir Pete Yorn et Scarlett Johansson, mais on débute avec Baja Bullet. Elle monte de la 14e place. Elle aussi, elle monte assez rapidement. Voici Gold Rush tout de suite au 89.1 FM. C'est les palmarès. C'est fou. All I was, my thing. be the last to know when they told me where the fool had gone. Oh, I was but the youngest one up there on the hills. They'll find me on another side of Golden Rush. Oh, I could never find them all. Another story of the one you lost, and I wanted to run over. I wanted to take over. I wanted to run over your Au retour, on entre dans le top 5 avec Pete Yorn et Scott Johansson, Woodhands, Las Capucinos, Colorado et Tegan and Sarah dans les palmarès C'est fou, édition Anglo. Numéro 5. There's a place around my heart. Pretend it's never there. What are you living for? Come back and see me sometime, she said. Around your heart. Bjorn et Scarlett Johansson avec Clean. Ça monte de la 13e place et maintenant en 5e. Ça vient de leur album Break Up. Et avant, c'était Basha Bullet avec Gold Rush. J'aime bien le dire à la James Bond. C'est comme Bullet. Basha Bullet. Bref, Gold Rush, oui, de l'album Heart of My Own. Ça monte de la 14e place. C'est sa 3e semaine. Ça monte très, très, très vite pour cette jolie dame. Voilà donc pour les 6e et 5e places. On est rendu dans le top 4. Les choses vont très, très vite. Le numéro de la semaine passée était toujours Colorado avec Juliet. C'est encore la même chose que quand je l'ai dit, v'là 5 minutes, t'es v'là 20 minutes, t'es v'là une demi-heure. Bon. Prochain bloc, Tegan and Sara avec Arrow, mais on commence avec Woodhands. Voici Pockets tout de suite au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Édition en lot. Oh, et l'édition franco est demain, jeudi, 13h à 15h. Et en rediffusion vendredi de 17h à 20h, l'anglo franco ensemble. Ou comme Pockets, si tu mets ça dans ta poche, poche de gauche, poche de droite, et le vendredi, c'est deux poches en même temps. We'll be right back. numéro 3. Tegan and Sarah avec Harrow, ça monte de 7 places. C'était la 10e la semaine passée. Maintenant, c'est le numéro 3 et ça fait 4 semaines que c'est là. Ça vient de leur album Saint Hood. Et avant, on a entendu Woodhands avec Pockets. Ça monte de la 11e. Donc, la 11 et la 10 sont maintenant 4 et 3. Ils sont comme suivis ensemble, mais dans la main, c'est pas cute. L'album de Woodhands s'appelle Remorse Capade. On est presque rendu au sommet. Je dois vous annoncer, c'est là, c'est maintenant que je vous l'annonce, là, que Colorado n'est plus au numéro 1. Non, parce qu'on s'en va l'entendre tout de suite en deuxième place. Voici Juliet tout de suite au 89 FM, c'est fou. Et le numéro 1 juste après. Oh, surprise, surprise. Sortez Rachid Badouri qui va piéger une vedette ou... Of lovers come and gone. I ask if it makes her sad. Say, son, you've got so much to learn. The love of life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. Puts on Patsy Cline, cuts across some sandwiches and mentions how she don't mind dying. Tells stories about Pearl and Earl, best friends that she once had. We threw the dishes, then she says it's time for bed. The love of life that you have kept, smiling on your dying day. Last night before she slept, no plans for breakfast except to read the note she left. Gray and white skies, that day was a blur for me. She made me promise not to cry, so here is drink, I drink to thee. The love life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. L'information Colorado et la pièce Juliette, c'était le numéro 1, c'est la semaine passée. Maintenant, c'est en deuxième position. Donc, on est rendu au moment où on révèle le grand numéro 1. C'est là que tout le monde attend ce moment-là. T'sais, je reçois des téléphones sur la hotline. Là, c'est excitant. Donc, numéro 1, je dirais que les gens aiment ce groupe-là. Et ils sont amoureux. Ils sont amourachés. Et puis, ils sont plus célibataires maintenant. Là, c'est un peu silence. J'ai pas d'inspiration, mes jeux de mots sont plates. Boring, vous la comprendrez tantôt. Et en première position. C'était le numéro 1 du palmarès anglophone pour la semaine du 17 au 23 février 2010. Avant de dire le numéro 1, on fait un résumé du top 5 comme toujours. En cinquième position, c'était Pete Yorn et Scarlett Johansson avec Clean. En quatrième, Woodhands avec Pockets. En troisième, Tegan and Sara avec Arrow. En deuxième, l'ancien numéro 1, Colorado avec Juliet. Et on vient d'entendre le grand numéro 1, c'est la pièce titre de l'album Romance is Boring par la formation Los Campesinos. C'était numéro 3 la semaine passée et c'est seulement sa troisième semaine dans le palmarès. Donc vraiment, ça a monté extrêmement vite. Ça fait genre, je sais pas, genre 20 peut-être, mettons. Ensuite 3, ensuite 1, c'est un miracle, alléluia, pour Los Campesinos, on adore. Voilà pour le top anglophone. On va faire le top francophone demain, jeudi, entre 13h et 15h. Et les auditeurs du vendredi soir vont aller entendre tout de suite la version francophone. Donc pas d'attente, pas de niaisage, pas de demi-heure de musique additionnelle. Sinon, ben c'est ça. Je pense qu'on a le temps, en fait. Il nous reste comme 5-10 minutes là, à passer ensemble. Donc, tout le monde, les gens du vendredi et les gens du mercredi, on va aller entendre quelques nouvelles entrées du top 30 des CD, pourquoi pas, avant de conclure. On va entendre les positions 20 et 19 de ce top 30 des CD. En 20e, c'est Yesayer avec Hot Blood et en 19e, Waving Hand avec Places. On les a entendus au début de l'émission tantôt en position 18 et 17 du top 20 anglophone. Bref, Yesayer, tout de suite, voici la pièce O.N.E. au palmarès, c'est fou! La pièce One ou ONI de la formation Yes et Eux, leur album s'appelle Odd Blood et c'est une nouvelle entrée dans le palmarès Top 30 des CD en position numéro 20 à cet album-là, Odd Blood. Et on les retrouve aussi Yes et Eux en position 18 du Top 20 anglophone. C'était la pièce Ambling Orb qu'on a entendue au début de l'émission. Voilà donc pour les auditeurs du mercredi. On continue jusqu'à 15h avec, entre autres, un petit peu plus de top 30 des CD, top 3 disques canadiens, top 10 électroniques et top 10 loud. C'est ce qu'on fait comme à chaque semaine. On fouille un petit peu dans les autres palmarès. On pourrait presque appeler ça les autres palmarès. C'est fou et ça serait super original. Bon. Les auditeurs du vendredi vont plonger dans la version francophone des palmarès, comme je l'ai dit précédemment, là, directement, pas de l'attente, sans pause publicitaire. Ben, en fait, il y a une pause publicitaire, là. Hein, tu sais, quand même. Au moins, on commence pas à 23h34, genre, comme à TVA. Hein? Bon, on se quitte pour l'instant avec Waving Hand, qui est en position 19 du top 30 des CD. L'album s'appelle Places, et on va entendre la pièce 310. Et on se retrouve tantôt. Restez là. Bye-bye. C'est fou, c'est fou, c'est fou comme un ballet. Bon, on est toujours au palmarès, c'est fou. Et maintenant, c'est la portion extra sauce brune. Et Kiwan vient d'arriver pour allumer sa dernière demi-heure avec moi. Mais oui, qui dit sauce brune, dit Kiwan. Exactement, avec la moustache et tout. Des fois, ça pogne dans les... Ça arrive. Donc, partie extra sauce brune des palmarès, c'est celle où il n'y a pas de numéro devant les pièces. C'est simplement la présentation des palmarès alternatifs, mais sans décompte. Juste comme ça, juste un survol, en fait, des palmarès alternatifs. Donc, électro, loud CD et autres. Your Shot, radio universitaire, n'importe quoi, tous les palmarès, tout ce qui est, dans le fond, palmarésien, mais dans un ordre complètement au hasard. Pourvu que ce soit gras et bras. Voilà, on aime ça comme ça, nous, avec du bon petit fromage. Je fais squeak, squeak. commençons par le palmarès électronique, comme on le fait toujours le mercredi. On va parler de chiffres un peu. Là. On n'oublie pas complètement les mathématiques là-dedans. Il y a trois nouvelles entrées dans le top 10 électronique. En septième, il y a Dan Black avec 1. Hein? En cinquième, Chris Joss avec l'album Monomaniacs Volume 1. Et en quatrième, ben, on l'a entendu tantôt et même deux fois plutôt qu'une, c'est Yes Ayer avec Hot Blood qui fait son entrée non seulement dans le top 20 anglophone, dans le top 30 des CD, mais aussi dans le top 10 électronique. Ça fait beaucoup de Yes Ayer là-dedans. Hein? Toute qu'une entrée. Mais c'est très bon, ça rentre et ça fesse dans le derrière. C'est vraiment très bon, donc on écoute ça tout de suite, je crois. Non, c'est pas ça qu'on va écouter, on va écouter les numéros 2 et 3. Okay. On va commencer par la position numéro 2 de ce palmarès-là. C'est la pièce Crack de la chanteuse norvégienne Han Hockelborg. C'est l'album Blood from a Stone. C'est la deuxième position du palmarès électronique et on écoute ça à l'instant. Est-ce que t'es prêt? Mais oui. Au palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. C'est dans vos oreilles. C'est dans le dash, finalement. On pourrait dire que c'est fou dans le lâche, ça. Ah, ben oui, c'est bon. Window, a hanging drop, a water's paint. It's still crack, made in the ground. Like an egg in a bird's nest. It will crack. Some things won't hold. It must crack. Shaking soda, it overflows. That's just the way it goes. Like a full barrage on a rainy day, it overflows. Some things won't shut. It must crack. Fear inside a dance box, it will grow, later explode. Shame, anger, guilt, hook behind bars, they will grow later. Thank you. La position numéro 2 du palmarès électronique, le top 10 électronique. On a entendu Crack par la chanteuse norvégienne Hanne Hockelberg. C'est son album Blood from a Stone. C'est la deuxième position du palmarès électronique. Ouais, ça fait deux semaines ça, que c'est en deuxième position du top 10 électro. On écoute la troisième tout de suite. Ouais. Troisième position du top 10 électro, c'est Akido avec l'album Hot Blood. L'album Tearly Hears, c'est ça? Oui, c'est ça, The Early Years EP. Et puis, on va entendre la pièce The Pablo Tangent 98 Cubase Demo, comme tu disais, de l'artiste montréalais Akido. On retrouve ça sur ce mini-album-là, et c'est la troisième position. Et aussi, c'est disponible en téléchargement gratuit, mais limité. Wow! C'est les infos que j'ai peut-être pas dit de façon très, très naturelle, mais c'est les infos que j'ai là-dessus. Vous êtes au palmarès, c'est fou. On passe. Extra sauce brune. C'est ce qui est écrit sur la feuille, en tout cas. Celebrity. Ça, c'est la position numéro 3 du palmarès électronique. C'est l'album The Early Years qu'il faut lire, mais en fait, ça s'écrit The Early Years EP. La pièce qu'on a entendue de cet album-là s'appelle The Pablo Tangent 98 Cubase Demo. Hein? Et c'est l'artiste montréalais Akido. Et c'est disponible en téléchargement gratuit, mais limité. Allez voir le site assemblagerocky.com. Oui, et c'est tout ce qu'on va vous faire entendre du palmarès du top 10 en fait électronique. On ne vous présentera pas numéro 1 parce qu'en fait, on vous laisse la chance si vous voulez l'entendre. Si vous avez aimé les deux positions du top 3, vous pouvez écouter le reste en fait, pas juste la position numéro 1. Vous pouvez toujours entendre toute la musique du top 10 électro dans l'émission Le Vestibule qui est diffusée les samedis soirs, si c'est bien ça. Oui, à 21h et c'est non seulement une chance, c'est un privilège. Oui. C'est avec Jean-François. Soyez-y samedi à 21h. Vous êtes toujours dans la portion sauce brune, extra sauce, fromage et saucisse, bacon. Tout est inclus là-dedans dans un beau petit contenant très facile à fermer. Donc ici au 89.1 FM. Ce qu'on va faire maintenant, c'est entendre un petit peu de top 30, Kiwan. Oui. Le top 30 des CD. Tout à fait. Qui est composé, je dirais, je fais un approximatif ici, de 30 albums environ, là, plus ou moins. On va entendre la position 30 qui est stable, c'est la formation Band of Scars. On va pas entendre une pièce de leur album Baby Darling Dolphin Sunny. Je vais me faire plaisir, je voulais faire plaisir aux gens qui connaissent cette pièce-là. Puis vous en pensez ce que vous en penserez de mon choix musical ici. On écoute la pièce Friends. Tout de suite. Au 89 FM, c'est fou! Searching for something, something I can't put my finger on. Maybe I've been living for the weekend. Maybe I've been living for this silent song. But every Friday, just about midnight, all my problems seem to disappear. Everyone that I miss when I'm distant, everybody's here. It's true, I need every waking hour with you. And my friends, cause they're so beautiful. Yeah, my friends, they are so beautiful. They're my friends. Wasting all my money, all my time. All the time that I'm waiting, waiting. Waiting for the moment you are mine. But something about you, thinking, thinking. Thinking all the things that I've done wrong. All the time, yeah, I was forgetting. You were mine all along. I need love. Yes, The Night de la formation The Job. The Job qui est encore et toujours dans le top 30 des CD. C'est la position numéro 22. Ça descend d'une place. Leur album s'appelle aussi The Job. Avant ça, on a entendu OK Go et WTF. Un autre extrait de leur album Of the Blue Color of the Sky. La pièce This Too Shall Pass a quitté le palmarès. Hein. Elle est encore là la semaine passée, mais bon, des fois, il faut faire de la place. On va sûrement les retrouver, OK Go, dans le palmarès dans les prochaines semaines. Pour l'instant, ils sont en position numéro 21 du top 30 des CD. Ça descend de 19 places. Ouch! Reste encore quelques minutes à la partie extra sauce brune des palmarès. Ensuite, c'est Assemblage requis qui s'en vient, donc dans environ 5 minutes. Il nous reste le temps pour écouter une pièce. Donc, on va continuer avec un artiste qui se retrouvait, qui se retrouve en fait à la fois dans le top 20 anglophone, mais aussi dans le top 30 des CD. C'est le groupe Jet, Et aussi, on a un cadeau pour vous. On a un album de Jet à vous donner. Donc, si vous voulez cet album de Jet, vous nous appelez pendant la pièce. C'est au 819-376-5183. Pour l'instant, nous, on écoute la pièce KIA, Killed in Action. Et on se retrouve juste après à Assemblage Rocky. À tantôt. À tantôt. 819-376-5183.